C'est pas les dinosaures, c'est pas les diplodocus, c'est pas les Tyrannosaurus rex, c'est pas les ptérodactyles. La plus vieille espèce animale sur la planète sont les belles-mères. La mienne, elle est épouvantable. On se chicane continuellement. Le problème, c'est qu'elle a toujours raison. Elle sait tout. C'est une directrice d'école, grosse tête. Quand on se chicane comme ça, quand on en vient au bout des arguments, je la traite toujours de céphalopode. Vous voyez, céphalopode, là, c'est cette espèce animale là, qui est caractérisée par sa grosse tête, pas de queue. Un peu comme les méduses ou les pieuvres, ça c'est des céphalopodes. Puis elle, en contrepartie, elle me traite de marsupiaux. Marsupiaux, c'est un peu le contraire du céphalopode. Tout dans la queue, dans la poche, rien dans la tête. En tout cas, je suis en motadi après elle parce que elle m'a trahi, elle m'a vendu, elle m'a livré, elle m'a dénoncé. Là, je vais vous raconter comment ça s'est passé. J'étais assis bien tranquillement devant ma télévision le soir à 11h, en train de regarder mon programme favori. Vous savez, le canal 31, où il y a cette nouvelle émission en chinois, sous-titré en japonais. Regardez ça, c'est intéressant, Canal 31, vous allez voir. Moi, j'aime ça parce que ça laisse beaucoup de place à la réflexion intérieure, à la méditation. Comme on ne comprend rien de ce qui se passe sur l'écran, on a le temps de méditer. C'est vrai que j'étais bien installé dans ma méditation lorsqu'elle a surgi derrière moi, elle m'a frappé sur l'épaule, toc, toc, toc, elle me demande, y a-tu quelqu'un? Parce que j'étais plongé dans mes pensées, elle me dit « À quoi tu penses ?» Et je dis « Écoute, je viens d'en arriver à la conclusion, en regardant défiler mon passé jusqu'à aujourd'hui, je suis arrivé à la conclusion que j'étais à la fois moi-même et mon propre beau-frère. » Elle m'a dit « Répète-moi ça. » Je dis, je suis à la fois moi-même et mon propre beau-frère. Ça fait que là, elle s'est ruée sur le téléphone. Elle a composé le numéro de téléphone de mon psychanalyste, Sigmund von Menardo. Et elle me l'a passé. Parce que pour elle, je faisais du dédoublement de personnalité. C'était flagrant, la schizophrénie, tout. Puis c'était du ressort du psychanalyste. Ça fait que là, j'ai eu mon psychanalyste au bout du fil, et puis j'étais bien obligé de lui répéter mon histoire. J'ai commencé par lui dire, mais croiriez-vous, docteur, si je vous disais, il m'a dit non, au départ. Mais allez-y quand même, expliquez-moi votre cas. Ben, je dis, voilà, je suis moi-même et mon propre beau-frère. Il m'a dit, c'est intéressant, ça. Il dit, comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Je dis, voilà, c'est une vieille histoire. Ça a commencé lorsque j'ai rencontré mon épouse, lorsque je me suis marié. Mon épouse était veuve et elle avait une jeune fille de 18 ans. Jusque-là, tout allait bien, jusqu'au moment où mon père est tombé amoureux de la jeune fille et qu'il l'a épousée. De ce fait, mon père est donc devenu mon gendre. Et ma belle-fille est devenue ma mère, puisqu'elle avait épousé mon père. Alors jusque-là, le psychanalyste, il me suivait, il écrivait tout. D'ailleurs, je l'avais écrit moi-même. Un jour, ma femme mit au monde un fils qui, logiquement, se trouvait être le beau-frère de mon père, et en même temps mon oncle, en sa qualité de frère de ma belle-fille, laquelle était devenue ma mère par alliance avec mon père. Mais un jour, ce fut au tour de mon père et de ma belle-fille, c'est-à-dire ma belle-mère, de mettre au monde un enfant, lequel se trouve être à la fois mon frère et aussi mon petit-fils. Il s'ensuit donc que ma femme est devenue ma belle-sœur, puisque la femme de mon père était sa fille. Donc, je suis à la fois le mari de ma femme et son petit-fils. Et étant donné que le mari de la belle-mère d'une personne est le beau-père de cette même personne, il est donc tout à fait logique de prétendre que je suis maintenant mon propre beau-frère. Alors, j'ai demandé au psychanalyste, qui n'a pas dit un mot pendant tout l'énoncé, ce qu'il en pensait. Il m'a dit qu'il réservait son diagnostic, il trouvait ça très intéressant, et puis il m'a fixé un rendez-vous. Il m'a prévenu que ça risquait d'être long et dispendieux. Ben, j'ai demandé combien, il m'a dit combien de temps, non, j'ai dit combien d'argent. Il me dit en raison de 100 dollars l'entrevue. Ouais, je dis d'habitude c'est 50. Oui, mais il dit là, vu que c'est vous-même et votre propre beau-frère qui me consultez, comprenez que je suis obligé d'appliquer le tarif double. Moralité, à force de se pencher continuellement sur son passé, on finit par entrer à reculons dans l'avenir, avec toutes les conséquences que ça implique. Et je laisse ça à votre imagination et la suite de l'histoire à Bernard de Montréal. Monsieur Bernard de Montréal. Il y a du verglas. J'espère, Bernard, que vous allez bien, que oui. Vous n'avez pas trouvé le temps trop long pour cette introduction. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais moi, le temps me trouble. Les interférences du passé dans le présent, là, ça crée bien de la confusion chez moi. Mais ce qui me trouble le plus, c'est surtout la similitude des événements qui se répètent dans le temps. Et je vous ai amené un exemple ce soir. Par exemple, la similitude entourant l'assassinat de deux présidents, les présidents Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Les deux s'intéressaient à la condition de la vie des Noirs, le besoin et l'adoption des droits civiques. Monsieur Lincoln fut élu en 1860, Monsieur Kennedy fut élu en 1960. La secrétaire de Monsieur Lincoln, qui s'appelait Kennedy, l'avisa de ne pas se rendre au théâtre. La secrétaire de Monsieur Kennedy, qui s'appelait Lincoln, l'avisa de ne pas se rendre à Dallas. Les épouses des deux présidents ont perdu des enfants durant leur séjour à la Maison Blanche. Les deux présidents ont été atteints un vendredi en présence de leur épouse. Les deux présidents ont été atteints à la tête. Les deux présidents sont décédés sans jamais reprendre connaissance. Leurs successeurs, tous deux s'appelaient Johnson, étaient démocrates, sudistes et avaient servi au Sénat. Andrew Johnson est né en 1808. Lyndon Johnson est né en 1908. John Wilkes Booth, l'assassin de Lincoln, est né en 1839. Et Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, est né en 1939. Booth et Oswald étaient deux sudistes, favorisant des idées impopulaires. Booth et Oswald ont atteint leurs victimes en dépit de la protection des agents secrets.